Quick snap. Breeze. Pass is incomplete. No flag for Tommy Lee Lewis. Nickell Roby-Coleman delivered a hit. And the two officials talk to each other. Crowd's going crazy as there's no flag right on the Saints sideline. Well, if Nickell Roby-Coleman plays the ball, it's an interception. It's probably going the other way with it. I mean, the ball's on the other side of Roby-Coleman, and but that should have been a penalty. And you, and John Payton is justifiably upset. I can't let you in dressed like that. Come on, man. It's the only thing that I have that fits. It's like me to Maximus. Look good. Feel good. Maximus. Big and tall fashion for men. Oh, fallait quand même que je détende l'atmosphère. Je sais pas si vous avez remarqué la variété de pubs de Maximus qu'on a. T'as le gars dans... Le gars dans le club qui porte une jaquette. Elles sont vraiment gros et laid, hein? En tout cas. Anyway. Rebienvenue, ça fait longtemps. Vidange Casse 19 et finale. Avant le mois de, avant la fin du mois d'août prochain. Félicitations aux Patriots. Qui ont gagné le Super Bowl. Qui méritaient leur place là, contrairement à l'année passée. Battre les Chargers et les Chiefs, respecter ça. Contrairement aux Rams, qui méritaient plus ou moins leur place là, puis ça a paru, hein, ils ont joué comme... ils n'étaient pas prêts pour ça. Je connais une autre équipe qui aurait été prête à jouer dans ce game-là. Ça aurait été pas mal plus intéressant et divertissant, mais whatever. Et félicitations à Argent et Votanique. Je sais que j'ai pas fait de podcast après la finale. Premièrement, j'étais pas dans le mood. Deuxièmement, j'étais occupé, le temps des fêtes, il y a bien des affaires. Donc, c'est ça. Félicitations à Big Money pour son championship. On va trouver les moyens l'année prochaine que le waiver wire soit plus actif la dernière semaine parce que, tu sais, gagner à cause de Jamal Williams puis Elijah McGuire, c'est dur pour le perdant à avaler. Et c'est ça. Félicitations. La plaque que j'ai commandée hier, en fait, j'avais oublié pendant un bout, mais... ça a été commandé. Ça fait deux semaines depuis le Super Bowl. Déjà, back at it, parce que je suis ici pour vous parler des règles. J'ai rédigé des règles pour l'année prochaine en collaboration avec M. Brunette et M. Monette et M. Charette. Et j'ai pas consulté tout le monde, mais mea culpa. Mais je vais les mettre dans le groupe en même temps que le podcast. Et si vous avez un problème avec les règles, ben faites juste me le dire. On va essayer de trouver un compromis. Et c'est ça. Je sais qu'ils vont être en texte dans le groupe. Même affaire comme de l'année passée, ils vont être pinés sur le top de la page en annonce. Et, mais je vais les. Peut-être pour ceux qui sont plus. Je vais les expliquer. Pour ceux qui ne comprennent peut-être pas, qui trouvent ça pas clair à l'écrit. Donc, premièrement. Bienvenue à nos nouveaux membres qui sont Oli Marcoux et je suis trop paresseux pour checker le nom d'autres gars, je m'en rappelle plus. By the way, si on va les ajouter une fois qu'on va s'être entendu sur les règles, donc si personne n'a rien à dire sur ces nouvelles règles pour 2019, ben on va pouvoir les ajouter immédiatement. Le prix d'entrée monte à 40$ par personne et on a déterminé un nouveau moyen de les diviser. 150$ pour le gagnant, 30$ pour chaque gagnant de division. Et le but, pour garder l'intérêt de tout le monde jusqu'à la dernière semaine, qui est week 16, on va essayer de se créer une espèce de bowl season, où est-ce qu'on va nommer des bowls, où est-ce que les matchs, le championship évidemment, mais le match, la finale consolation, le match pour la 5e place, le match pour la 6e place et le match pour la 9e place, auront toutes des espèces de noms bowls avec des prix en argent pour inciter le monde à participer jusqu'à la fin. Donc, oui, c'est ça, une sorte de... Donc, le runner-up championship, 40$, rembourse son entrée. Le gagnant du bowl à 3e place, donc la finale consolation, qui sera nommé un moment donné, là, je suis ouvert aux suggestions, lui va avoir 40$ aussi pour rembourser son buy-in. Le gagnant du bowl pour la 5e place aura 30$, le gagnant du bowl pour la 7e place, 20$, et le gagnant du shit bowl, qui est le match pour la 9e place, se méritera 10$ quand même. Et c'est mieux que rien, même si c'est pas beaucoup. Et vous remarquez peut-être qu'il manque un scan en addition tout, il reste un 50$ qui avait été distribué, mais celui-là, je vais le garder, notamment pour acheter le draft board et la plaque du champion. Tu sais, j'ai fait ça pendant 4 ans, là, le trophée m'a coûté quasiment 100$. L'année passée, j'ai acheté le draft board, ça ne me dérangeait pas, mais là, un moment donné, faut pas ça juste que moi j'ai à payer ça chaque année. Si vous n'êtes pas d'accord, on pourra en discuter, là, mais je trouve ça assez fair. Là. Donc, c'est ça pour les nouveaux. Le nouveau buy-in, là, 40$ par personne. Pour les rosters, ça reste similaire. On reste en half PPR, sauf qu'on passe de 5 bench à 6 bench. Ça, c'est pour éviter. C'est pour pouvoir. Que garder des gars. Mettons avec 6 bench, je sais que je suis pas moi de l'année passée, il aurait pu garder Nick Chubb dans son line-up, puis il aurait pu le garder. Ça servait comme keeper cette année, c'est juste pour rendre le draft un petit peu plus important. Donc on passe à 6 bench. Grosse introduction, si on aura un système de waivers. Ceux qui écoutent d'autres podcasts comme les fantasy footballers savent de quoi je parle. On va marcher au FAB. FAB, c'est Free Agent Acquisition Budget. Donc, comment ça marche? C'est une fois que les games commencent, tous les joueurs sont barrés. Les joueurs qui sont dans les games. Fait que ceux qui jouent jeudi, quand la game commence, tu ne peux plus les prendre. Donc, les joueurs sont barrés après le début de leur match. Et ils sont barrés jusqu'à mercredi matin. Pendant ce temps-là, vous avez jusqu'à mardi soir pour... Il y a une mise aux enchères à l'aveugle. Donc, mettons que vous voulez, mettons que l'année passée, vous apprenez, vous voulez chercher Nick Chubb sur les waivers. Ben, Nick Chubb va être barré. Vous allez jusqu'à mardi soir pour mettre un enchère sur Nick Chubb. Vous savez pas combien les autres vont mettre, à moins qu'ils vous le disent, mais ça serait con. Donc, tout le monde a un budget de 100$ par année. Donc, mettons, vous voulez mettre beaucoup d'argent, mettons 40$ sur Nick Chubb. Puis mercredi matin, vous allez avoir les résultats. Celui qui a mis le plus haut bid aura le joueur qu'il veut. Vous pouvez aussi mettre des enchères de 0$. Donc, mettons que vous avez épuisé tout votre budget au milieu de la saison, mais vous pouvez quand même vous essayer d'aller chercher des joueurs que vous voulez. Donc, c'est ça, le mercredi matin, on a les résultats, les joueurs sont distribués. Et à partir de là, jusqu'aux autres kick-offs de la semaine, donc le jeudi et le dimanche, ça marche comme on avait avant, donc c'est free for all. Vous pouvez dropper et rajouter n'importe qui. Mais quand les joueurs commencent leur match, c'est barré. Puis il y a un système de mise aux enchères pour les agents libres. Et le tiebreaker, si deux joueurs misent le même montant pour un. Si deux participants misent le même montant pour avoir un joueur, ben c'est celui avec qui est le plus bon dans les standings qui va l'avoir. Je ne sais même pas si ça va arriver. Donc, si vous avez d'autres questions, dites-moi là. Comment ça marche en gros? Tout le monde a un budget de 100$. Les joueurs autonomes, jusqu'à mardi soir, sont barrés. Il faut miser, une mise aux enchères. Puis vous mettez le montant que vous voulez. Puis celui qui a mis le plus haut montant aura le joueur qu'il veut. Le reste, c'est dommage. Il y a un qui a misé plus haut. Et comme je dis, une fois que mercredi matin, on aura les résultats de ça. Et... jusqu'au game de la semaine suivante, tous les joueurs deviennent libres automatiquement. Je pense que c'est une bonne façon de... Tu sais, il va y avoir différentes approches à comment gérer chacun son budget de 100$. Il y en a qui, mettons... Tu sais, l'année passée, il y en a qui ont mis 90$ sur James Conner la première semaine, puis ça a relativement payé. L'affaire, c'est qu'après ça, tu pouvais pas faire grand-chose pour aller chercher d'autres joueurs sur les waivers après ça. Donc, c'est un système... C'est considéré comme le meilleur système et on va l'essayer cette année. Je pense qu'on a assez de gens qui prêtent attention à ça. Dédé et Emilien sont plus là, comme j'ai dit. On a deux nouveaux membres. On reste 10. Donc, on va l'essayer puis je pense que ça va bien fonctionner. Pour les playoffs, c'est encore 6 qui se qualifient. Les deux premières places de chaque division, donc le premier et deuxième d'une division et le premier et deuxième de l'autre, se qualifient automatiquement pour les séries. Les deux premiers de chaque division ont un bye, évidemment. Donc, Donc, numéro 1 et numéro 2 dans chaque division rentrent automatiquement. Et après ça, c'est wild card. Donc, mettons, l'année passée, Romain serait rentré à la place de Simon Anctil parce que Romain a fini 4e dans cette division, mais avec une meilleure fiche que Simon Anctil. Donc, c'est ça que ça change. C'est un peu pour équilibrer. Après ça, les brackets restent séparés. Puis ça va marcher par-ci. Donc, mettons... le deuxième de ma division, qui aurait été Simon, aurait pogné le... s'il avait... J'essaie de trouver des mots pour l'expliquer, là. Ça va y aller par le seeding pour la première ronde des playoffs. Donc, l'équipe avec le plus de victoires et le plus de points pour va jouer contre le wildcard qui est le moins bon. Et le meilleur wildcard va jouer contre le deuxième meilleur deuxième de division. Et après, mais ça reste, chacun va être de son côté du bracket. Donc, mettons, moi j'avais un bail, ben Simon reste de mon côté du bracket. Et que ce soit que ce soit Romain qui est. C'est bon que ça a été Romain contre Simon. Si Romain a battu Simon, je joue contre Romain. Mais si Simon a battu Romain, j'aurais joué contre Simon aussi. C'est deux côtés du bracket séparés. On veut garder les rivalités dans les divisions. Donc, c'est ça pour ça. C'est ce que Moed voulait, dans le fond. Là. Il va avoir un wild card maintenant. Le nombre d'échanges reste illimité. Et les échanges ne seront pas soumis à un vote, à moins qu'un de vous m'envoie un message en inbox à moi, me demandant spécifiquement de faire un vote. Ça va permettre de garder l'anonymat et d'éviter le chiolage un peu. Donc, si un d'entre vous me demande de faire un vote sur un échange, je fais un sondage dans la convo ou sur la page du groupe Facebook, là, je sais pas. Là, mais je fais un sondage et dans ce sondage-là, il y a juste 8 personnes qui votent parce que les deux parties impliquées dans l'échange ne peuvent pas voter. Il faut qu'il y ait 5 votes sur 8 contre l'échange pour qu'on renverse. Parce que notre but, c'est pas de renverser les échanges. Donc, à 5 votes sur 8, l'échange est renversé, mais si c'est 4-4, l'échange reste. Donc, le tiebreaker au classement, c'est le nombre de points pour. Ça, je l'ai dit. Pour les trades, il va y avoir une date limite des transactions à la fin novembre, là, comme l'année passée. Ils me donnent des choix sur le site, mais ça va être à la fin novembre, autour de week 10 ou 11. Pour les keepers, donc là, à partir de cette année, vous pouvez garder un gars deux fois. Donc, en gros, c'est ça. Vous pouvez le garder pendant deux drafts. Donc, mettons que moi, je garde Zeke, je peux le garder cette année, je peux le garder l'année prochaine. Après ça, il faut que je le laisse aller. Donc, vous pouvez garder deux drafts. Il y a toujours la ronde de pénalité, ça s'applique encore. Et là, le petit changement, c'est que tu peux garder un free agent, mais il faut que ce free agent-là ait été drafté. Donc, si tu ramasses un gars, c'est waivers. Si tu payes, mettons, de ton budget pour faire l'acquisition de ce gars-là et que ce gars-là avait été repêché, ben, tu as acheté ses droits. Mais si le joueur n'a pas été drafté, il ne peut pas être gardé. Mais si le joueur a été drafté, puis droppé, ben là, celui qui l'a ramassé peut le garder. Au prix de la ronde du draft plus 1, comme la règle s'applique normalement. C'est ça. Mais les agents libres, les free agents qui n'ont pas été draftés ne peuvent être gardés parce que je suis pas nécessairement d'accord avec ça. Et les autres avaient l'air d'être d'accord avec moi. Et c'est ça, on ne peut pas garder un joueur plus que deux fois. Donc, vous pouvez le garder un draft, vous pouvez garder le draft d'après, puis après ça, vous devez le laisser aller. Et, c'est ça. Lors du repêchage, moi, je pars à l'étranger pour une bonne période de temps. Mon départ, c'est le 18 mars. Donc, la semaine avant mon départ, on va filmer ça. Je vais mettre les 10 noms dans un chapeau. On va piger lors du draft comme ça. La première personne que je vais piger va avoir le 10e choix et ainsi de suite. Puis quand il va rester deux noms dans le chapeau, celui que je vais piger va avoir le choix numéro 1 overall. Puis celui qui va rester dans le chapeau va avoir le choix numéro 2. Comme je vous dis, tout ça va être filmé. On va montrer bout de papier à caméra tout pour que ça soit fair. Et donc, c'est ça, vous serez draft order à la mi-mars. Vous pourrez faire autant de mocks que vous voulez, parce que je sais qu'il y en a ici qui aiment bien ça faire ça. Et on va draft. Moi, je reviens le 22 août. Et ben, fait qu'on va drafter pour en même temps que l'an passé, donc à vraiment à fin du mois. On avait drafté 1er septembre, 2 septembre l'année passée. Ça va être dans ce coin-là, là, le plus proche possible du kick-off pour éviter qu'on se fasse surprendre par des blessures. Et on fera ça à la station des sports, là, encore à Laval. Là. C'était bien le fun la dernière fois. On aura le draft board. Ça devrait être, en business. Donc, c'est ça pour les règles. Je pense que j'ai trébuché dans mes mots à plusieurs reprises, mais ils vont être par écrit dans le groupe. Puis pour s'il y a un nouveau qui écoute ça, ben c'est sûr qu'il n'a rien compris. Là. Fait que si Oli ou l'autre, ben on leur expliquera en personne aussi. Là. Oli, je sais qu'il. On le voit assez souvent, moi ou Monette, là, donc ça devrait être pas pire. Et l'autre, ben, on s'arrangera. Fait combien de temps que je parle? 15 minutes. Juste finir en jetant un coup d'œil, peut-être vous donner une petite idée des gars qui devraient être gardés dans le draft cette année. Pour ma part, je considère sérieusement à garder Juju. Ça me coûterait un choix de 3e round. Santonio Brown, je pense que ça le vaudrait. Donc je considère garder Juju et comme vous savez, j'ai Gurley et Zeke dans mon line-up. Ça aussi, je vais considérer sérieusement les garder comme mon choix de première ronde. Mais ça va dépendre, il y a bien des affaires qui peuvent arriver. Monette, il n'a pas l'air d'avoir de vraiment de keeper potentiel dans son équipe. Vince pourra garder Sony Michel pour un choix de 6 ou 7e ronde. Et Adam Thielen pour un choix de 3e ronde. Ça, c'est ça, je m'attends à ce qu'il fasse. Dédé, il n'est plus là. Mon cousin Simon Martineau. Christian McCaffrey pour un first rounder, ça pourrait avoir la peine, dépendant de où sont. Mettons que le 8e choix overall, garder McCaffrey serait pas une mauvaise affaire. À part ça, il y a Edelman qui pourrait être gardé pour un 8e, quelque chose de même. Et à part ça, Terry Cohen peut-être pour un choix de 7e, je pense, pourrait avoir la peine. Marlowe pourrait garder Tyreek Hill pour un choix de 3e ronde. Donc, à moins qu'il soit épais, il va le faire. Robert Woods pourrait être gardé pour un choix de 10 ou 9e ronde. Ça serait un gros steal. Donc, Marlowe qui pourrait être équipé à wide receiver s'il fait des bonnes décisions pour ses keepers. Ça va être spooky, ça, pour l'année prochaine. Sinon, Monsieur Anctil, qui n'a pas vraiment de keeper, donc il n'est pas content qu'on puisse en garder deux. Hein. C'est Anctil, quand ça t'avantage pas, c'est pas bon. Non, j'ai regardé ton line-up. Aaron Jones, carry on, tu sais, tout ramasser ses waivers, c'est que ça marche pas. Non, j'en vois pas nécessairement. Monsieur Brunette, Patrick Mahomes pour un choix de 11e ronde. Donc le QB1, ouais, ce sera pas disponible ce draft-ci. Et il pourrait garder Melvin Gordon à première ronde, tout dépendamment de son choix. Comme je disais, c'est un peu comme une situation comme à la Christian McCaffrey. Ah, c'est un peu. Ah, Manette aussi, il y a Camara. Fait que Camara, McCaffrey, Gordon pourraient être gardés pour des first rounders, tout dépendant de d'où leur propriétaire draft. Et finalement, Emilien ne sera plus là. Et Romain pourra garder il avait drafté tard Tyler Lockett. Donc pourrait garder Tyler Lockett pour un choix de je sais pas quoi, 10e ronde. J'ai pas de draft board devant moi, puis ça me tente pas d'aller chercher le draft, d'aller checker le draft au complet. Mais pour regarder Tyler Lockett, en tout cas, il devrait le faire. Est-ce qu'il avait drafté Chris Carson? Ça, je m'en rappelle plus. Peut-être Chris Carson, ou puis à part ça. Non, c'est ça. Je pense que c'est tout. Peut-être Jared Goff. Il avait pris tard Jared Goff, mais moi, je ferais pas ça. Donc, c'est ça, donne un petit aperçu des gars qui pourraient être. Garder l'année prochaine. Il y a beaucoup de. Il va y avoir beaucoup de bons. T'sais, Mahomes ne sera pas disponible. Il y a des chances que Elliott ou Gurley ne soient pas disponibles. Mais à part ça, non. Le bassin de joueurs reste très, très, très, très vaste. Entre autres, Saquon Barkley qui a des très bonnes chances d'être le first overall pick. Il est là. Mon oncle ne pourra pas le garder. Il ne sera plus là. Donc, Saquon sera disponible. Et beaucoup d'autres joueurs là, en première ronde, là, de Vontae Adams, Zeke ou Gurley, DeAndre Hopkins, il y en a plein. Là. Il y en a plein. Donc, beaucoup de joueurs disponibles. Pas beaucoup de joueurs qui seront gardés nécessairement. Donc, c'est ça. Moi, comme je vous dis, je pars à l'étranger dans pas long. Et vous aurez des nouvelles sur l'heure du draft à la mi-mars. Il va y avoir une vidéo. On va faire un live dans le groupe, là, un des deux. Et on va tirer tout ça d'un chapeau. Comme ça, vous serez 7. Puis sinon, je vous souhaite un bon off-season. Préparez-vous bien pour le draft. Et c'est ça. Je vous reparle dans la première du VidangeCast saison 2 qui aura lieu à la fin août. Donc, prenez soin de vous. Vous serez lors du draft bientôt. Ciao!